19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue d'Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de cette nouvelle année 2025. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux avec plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui vient juste de commencer, en espérant que tout ira bien pour vous et tous vos proches. Ce qu'on peut souhaiter à Electric Shock, c'est la même chose que tous les ans, c'est-à-dire plein de bonne musique, plein de bons concerts, mais ça, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et pensons aussi que Electric Shock, mine de rien, c'est pas que je sois tellement attaché aux chiffres, mais cette année, Electric Shock célébrera ses 20 ans d'antenne. Et ouais, quand même, comme le temps passe vite. Quand j'ai commencé fin 2005 en prenant la suite de Metal Maniac, je savais que c'était sur du long terme, ça, y a pas à dire. Mais si tu m'aurais dit 20 ans plus tard, est-ce que tu seras encore là, je n'en aurais eu aucune idée. Electric Shock est toujours là. Et je pense qu'il y a encore quelques années encore devant nous, mais enfin ça, l'avenir nous le dira. Sinon ce soir, qu'est-ce qui vous attend pour cette reprise des nouveautés au nombre de 5? Il y aura bien évidemment, comme tous les ans début d'année, un hommage à Lemmy de Motorhead et à Phil Lynott de Thin Lizzy. Aussi, on va faire connaissance aussi avec ce groupe culte de thrash français Iceland qui nous avait rendu visite à Orléans fin novembre et que j'avais eu l'opportunité donc de taper le bout de gras avec eux. Ça, on verra ça tout à l'heure. Voili voilou. Et donc un petit survol de tous les styles et sous-genres qui composent donc ce style musical préféré. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer tout de suite très rock avec un poids lourd du hard US, mais groupe qui nous vient d'Afrique du Sud, comme quoi on voyage dans Electric Shock avec son nouvel album The Surfer Seems So Far. C'est Scissor et Illusion qui ouvrent l'émission ce soir. We'll be right back. Space Cowboys, c'est le titre du deuxième album du groupe Uncut et c'est le morceau Stellar Sprite qu'on vient de s'écouter à l'instant, juste avant Uncut, venu d'Afrique du Sud, Caesar et son nouvel opus The Surface Seems So Far, c'était donc Illusion. Et bien maintenant, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec un groupe légendaire qui fait partie de l'histoire du métal, Blue Oyster Cult. Alors, Blue Oyster Cult, déjà cette année, on a été gâtés, on a eu déjà un nouvel album studio, enfin composé de chutes de studio, de morceaux réenregistrés, enfin plein de choses en mois de juin. Et déjà précédemment de deux lives enregistrés en 2022 pour les 50 ans de la sortie du premier album. Et du coup, le groupe a fait donc trois concerts exceptionnels qui, justement, ont été enregistrés et filmés. Et là, le groupe en profite, Blue Oyster Cult en profitait pour réinterpréter l'intégralité des trois premiers opus qui sont quand même des classiques du hard rock maintenant. Ça, c'est clair et net. Le tout accompagné aussi d'autres morceaux plus récents et de petites raretés, de choses donc très intéressantes. Donc, on a déjà eu les deux premiers cette année, là, et en fin d'année dernière, et sorti donc le troisième soir, c'est-à-dire donc l'intégralité de l'album Secret Treaties. Vous savez, celui avec la pochette là, dessinée au crayon à papier où on voit un avion de chasse allemand de la Deuxième Guerre mondiale, un Messerschmitt 262 pour les puristes. Et ben, on va se faire donc deux petits extraits live de ce concert, de cet album aussi. Tout d'abord, un des grands classiques du culte, Career of Evil. We'll be right back. Superman et Career of Evil, à l'origine donc deux morceaux de Secret Realities, mais là qu'on peut trouver sur le live de Blue Oyster Cult 50th Anniversary Live in New York, Third Night, la troisième soirée, où l'intégralité de cet album mythique était donc interprétée. Donc c'était aussi la première nouveauté de la soirée. Alors pour ceux qui veulent tout savoir, c'est sorti en vinyle, bien sûr, en double CD, CD plus Blu-ray, plus DVD ou DVD à part. Enfin bref, au choix, il y a que l'embarras du choix. On va changer de registre avec quelque chose d'un petit peu plus brutal. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Encore avec une nouveauté, là, donc la deuxième de la soirée, avec Miss Fortune. Alors, Miss Fortune est un nouveau groupe de métal français qui nous mélange, qui nous fait un petit mélange de death metal, de grindcore, de hardcore aussi, avec un peu de musique électronique par moment. Bref, vous avez compris, c'est de la berceuse pour enfants. Et ils ont sorti mi-novembre leur premier album qui s'intitule Collapsing Serendipity. Et là, si vous avez envie de vous éclater les tympans et les cervicales, eh bien, je pense que le morceau Survival of the Scoldial Fistest, eh ben, ça va le faire. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Yeah. Cet hymne à la gaieté vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Le nouvel album de Time Lurker, l'instant en prise, et c'était donc Disparaît Soleil. Juste avant, sorti au même moment, c'est à mi-novembre, le premier album donc des Français de Miss Fortune et leur petite douceur Collapsing Serendipity, ce qui est le premier album, et le titre de ce soir était Survival of the Schoolyard's Fistest. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début d'émission, le 30 novembre dernier, on a eu la chance d'avoir un très beau concert au Dropkick en compagnie donc des locaux de Cyclim, que vous devez connaître maintenant. Ice Chemicals, d'ailleurs Jeff et sous ses potes, si vous m'écoutez, je vous fais un petit coucou. Et aussi la légende du thrash metal français des années 90, Iceland, qui était de retour en 2023 avec un réenregistrement de son premier album, dont on vous avait diffusé à l'époque. Et donc, là, on en a profité donc pour tailler un petit peu la discute avec les joyeux drilles de Iceland dans les loges donc du Dropkick. Eh bien, on va vous faire part de la première partie de cette petite interview, un petit peu fait à l'arrache, mais c'est toujours très sympa et toujours rock'n'roll. Alors là, je suis dans les loges, enfin les loges du Dropkick avec le groupe Iceland. Donc, ils sont comme moi, c'est un peu des vieux de la vieille, hein, on peut dire. Enfin, physiquement, parce que mentalement, je pense qu'on a tous entre 12 et 14 ans d'âge, à peu près. À peu près, pour lui. Hein. Oui, effectivement, je suis jeune dans ma tête. Alors, question un peu bateau. Je sais comment c'est former le groupe et c'est reformer le groupe quelque part. Vous pouvez raconter ça Bah, il s'est formé fin des années 80, 87 exactement, Christophe à la mémoire. On a tourné une dizaine d'années à peu près, partout en France. Et puis en 98, on s'est séparés, on a arrêté, chacun est parti de son côté, faire des projets divers et variés. Et en 2021, moi j'étais à l'étranger, on est revenu, puis il y avait ces deux oiseaux-là qui avaient envie de remettre le couvert. Donc on s'est dit pourquoi pas reformer Iceland. Et à cette occasion, on a réenregistré notre album qu'on avait enregistré en 95. Et en 95, Bernard n'était plus là, ce lâcheur. Et en fait, il est là maintenant en 2021 et a joué sur l'album. Et vous n'êtes pas dit on va créer du nouveau matériel? Ah oui, mais ça c'est dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps. Plutôt que de réenregistrer quelque chose déjà. Ça faisait pratiquement une trentaine d'années qu'on n'était plus présents. Donc il a fallu, se remettre le pied à l'étrier. Donc on s'est dit, bon, l'album qu'on a fait autrefois était bien, mais peu de moyens, peu de son, etc. Donc on s'est dit, on va le refaire. Et puis c'était bien aussi que Bernard soit là. Parce qu'il a à l'époque composé beaucoup de morceaux avec nous, et puis il est parti en nous laissant l'enregistrer sans lui. Donc le truc, c'était sympa aussi que lui participe à cette deuxième mouture. Donc les morceaux sont pratiquement tous les mêmes, mais par contre joués par nous trois, plus de divers batteurs invités. C'est ce que j'ai vu, d'ailleurs, vous avez eu du beau monde. Oui. Comment vous avez fait pour les convaincre d'écouter pour vous? On se connaissait depuis longtemps, puisque on a un privilège de l'âge aussi, donc même Francky, je connaissais un petit peu Francky, pas mal Aurélien Ozoulias, qui a joué dans Satan Joker, par exemple, et puis Francky, lui, il est connu pour jouer dans les tambours du Bronx, Dagoba aussi, et puis Dirk Verboeren, qui est... actuellement, avec qui a fait Soul Work. On était voisins en fait, et puis ensuite on a pas mal tourné ensemble quand il jouait avec un groupe qui s'appelait Arsenic. Et on se connaissait bien, donc quand on s'est dit tiens, on va remettre le couvert, réenregistrer l'album, j'ai donné un petit coup de fil. Bon, et c'est un gars qui est très très très occupé, mais il nous a fait la gentillesse de venir jouer sur ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu exactement. Il a dit c'est un honneur de jouer avec Iceland. J'ai dit non, c'est nous, c'est un honneur de jouer avec toi. Tu as gardé le message, j'espère. Ouais. Non, c'était très cool. Vraiment de sa part, c'est vraiment très sympa. Parce que vous n'êtes pas dit, recrute-t-on quelqu'un pour... En fait, nous, on avait envie de faire le lien entre autrefois et le futur, le passé et le futur. Et on s'est dit que ces gars-là, qui étaient un peu de notre génération aussi, c'était bien qu'ils viennent jouer sur cet album-là. Et en fait, On avait un batteur à l'époque, mais lui est parti à Madagascar, donc il fait autre chose de sa vie. Donc on s'est dit, allez, on va demander à des batteurs. Donc on appelle les copains, quoi. On a appelé les copains. Bon, ils n'étaient pas obligés de dire oui, parce qu'ils ont des emplois du temps très très chargés. Mais ça l'a fait, et on a sorti un album, pour le coup, 8 titres au lieu de 10, puisque l'album de 95 reste intéressant pour les collectionneurs. J'imagine, oui, c'est vrai, comme quand la surprise que j'ai eue, quand je l'ai reçue l'année dernière, les featuring, je me suis dit, putain, la vache, les mecs, comment ils ont fait pour avoir ces... Les connaissances, les copains. Wow, ouais, ah, c'est ça, c'est à un moment donné, quand on a une... Voilà. Même si on n'est pas super connu, quand on est quelqu'un reconnu par ses pairs, bah les gars ils disent ok, pas de soucis. Et je pense que c'est ça qui est important à Islande. Bon nombre de groupes à Islande. On a une bonne mentalité, on n'est pas prise de tête, et quand on est sur scène, on s'amuse bien avec les autres. Donc ça marche bien. Puis comme on dit, le monde est petit, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme ça. Justement, quand vous êtes enregistré cet album, vous n'êtes pas dit, par exemple, au niveau des paroles, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui maintenant ne seraient plus vraiment d'actualité vous êtes dit non, finalement... Non, parce que nous racontons des histoires, c'est des petites histoires, c'est pas... Il n'y a pas de message particulier. En tout cas, sur cet album-là, donc, c'était plutôt des histoires tirées de la littérature fantastique, ce genre de choses. Le prochain album, il y aura peut-être des choses un tout petit peu plus engagées. Qui est en cours. L'enregistrement. Donc ça veut dire que ce soir, lors du concert, on aura peut-être la primeur de nouveaux morceaux. Ouais, trois nouveaux morceaux. Et le concert, c'est le moment idéal justement pour les tester, pour voir comment ils réagissent. Cet album, justement, ce réenregistrement, les échos que vous en avez eu par la presse, tout ça, ça a été comment plutôt positif Très positif même, tant par le son. L'album global, des invités prestigieux comme tu disais, et je pense que ça joue, il y a peut-être des gens qui auraient peut-être dit on n'écoute pas parce qu'on a oui. comme ça, quand ils ont vu ça, ils ont peut-être dit ah, ouais, on va oui, oui, mais à l'écoute après, ils ont quand même apprécié, ils ont trouvé l'album énergique, on a toujours le style Iceland, énergique et mélodique, avec le gros son d'aujourd'hui. Ça a changé. C'est vrai qu'en fait, il y avait deux types de personnes. Il y avait les personnes qui connaissaient Iceland qui ont dit « Ah la vache, ils sont de retour », et ceux qui ne connaissaient pas qui ont dit « Ah mais les darons, quand ils reviennent, ils ne viennent pas pour rien en fait ». Voilà, c'était les deux types de réactions qu'on avait. Et c'est vrai que les communiqués de presse ou les articles dans les fanzines sont quand même relativement élogieux sur effectivement sur la qualité des compositions, sur la qualité du son, et le fait que le trash old school il revient aussi un petit peu à la mode. Et on fait toujours du Iceland. En ce moment, je suis assez étonné de voir beaucoup de jeunes groupes qui reprennent des vieux styles. Par exemple, je reçois beaucoup de trucs de jeunes groupes qui font du grunge, certains font du trash, ou vraiment du heavy à la saxon ou autre. Ils vont se dire, pas tout, quoi. Mais vraiment, de presque revenir aux bases, on va dire, quelque part. Et je me dis, putain, mais ces mecs-là, ils ont 25 ans, en tout cas, donc c'est une époque qu'ils n'ont pas connue. Ils ont écouté la musique de leur daron, et ça leur plaît, et ils ont envie de faire ça. Alors en plus, il y a tout un décorum autour avec certains groupes avec les pantalons moulburn et compagnie. Oui, c'est ça, c'est rigolo, quoi. Ah, oui. Par contre, effectivement, les jeunes groupes de maintenant, on a remarqué ça, il y a un niveau qualitatif, c'est extraordinaire. Avec jour. Franchement, et ça fait plaisir de jouer avec ces jeunes groupes-là, parce que déjà, on se prend une claque techniquement parlant, mais après, les jeunes viennent voir, ils disent, ah non, mais c'est vraiment bien pour des darons, franchement, on a vraiment apprécié. On dit, ouais, mais on va voir comment tu fais tes trucs, sans ta guitare, sans ta basse, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment ils font. Ils jouent divinement bien. Quoi. Moi, je suis effaré par le niveau technique qu'ont les jeunes, maintenant, par rapport à notre génération, où je me rappelais de mon prédécesseur, à la émission de radio aussi, qui recevait des démos des fois, qui étaient assez super. En écoutant, je disais, ok, le morceau est génial, mais la prod est... maintenant, je veux dire, toutes les autos, que je reçois beaucoup d'autoproductions, je sais que je peux passer ça sans problème, c'est propre, c'est nickel. Alors des fois, ça manque peut-être un peu de puissance ou autre, c'est propre, c'est bien fait. C'est vrai qu'avec l'informatique, maintenant, ça a démocratisé l'auto-enregistrement, l'auto... L'autoproduction. L'autoproduction, ça tient bien. C'est vrai que les cassettes qu'on recevait à cette époque-là, voilà, les sons. Ouais. Oui, non, mais. Donc, il y a notre première cassette. Voilà, on va arrêter là pour ce soir. Vous aurez donc la suite de la semaine prochaine, comme vous avez pu le voir. C'était très décontracté et vraiment sympa. Eh bien, on va continuer maintenant avec ce qui était une des nouveautés lors de la dernière émission de la fin de l'année dernière. C'est le double live d'Halloween. C'est vrai que 2025 va être une année très chargée pour Halloween. Il y a eu ce double live enregistré en 2023 là qui vient de sortir, aussi bien CD, vinyle, voire DVD. On sait aussi qu'Halloween va nous sortir un nouvel album studio d'ici la fin de l'année et qu'ils seront en concert là justement pour leurs 40 ans de carrière, enfin 40 ans du moins carrière discographique puisque leur premier EP était sorti en 85, donc année très chargée. Et bien sur ce live enregistré à Tokyo au fameux Budokan, on va se faire deux petits extraits. Tout d'abord Best Time qui était extrait du dernier album éponyme Halloween qui était sorti en 2021. Vous avez eu à l'instant le classique d'Halloween, Dr. Steen, et juste avant, Best Time, donc tous deux extraits du Live at Budokan, sorti en fin d'année dernière. Et bah, vous savez aussi, comme tous les ans, à la fin de l'année, bah, on va se faire un hommage à ce grand monsieur qui était Lemmy Kilmister de Motorhead, qui nous a quittés maintenant bientôt, il y a déjà 9 ans. Mais on a l'impression qu'en fait, il a pris sa retraite tout simplement, parce que comme Motorhead est toujours d'actualité, entre, il faut dire, entre les ressorties, les inédits qui ressortent, etc. Et je pense qu'il a tellement marqué avec son style et autres que... Bah, pour tout le monde, en fait, Motorhead, c'est toujours vivant. Un peu comme les Beatles, quelque part, on va dire, voilà. Et donc, il nous a quittés, c'était le 28 décembre 2015, et ouais, déjà. Ouais, on va se faire un de ces grands classiques, extrait de Overkill à l'origine. Mais là, je nous ai choisi une version live sortie du coffret The Lost Tapes, volume 1 et 5, qui était sorti donc au mois de février l'année dernière. On va se faire un petit tour du concert de Heilbronn, enregistré le 29 décembre 1984. Et on va se faire un classique extrait d'Overkill. Bah, c'est dédié à tous les auditeurs d'Electric Shock. Je vous dis même pas le titre, vous allez deviner tout de suite. This is just for you, it's called No Class. I'm right about this. Too much. patience for my manifestation and die. Nature and peace are my shelter and companions. Is my attitude. Beauty and perfection are my attack. Le MC5 reconstitué avec Wayne Kramer, bien sûr, Matt Cameron de Soundgarden, Billy Gould de aussi de Faith No More, ainsi que Kim Thayil de oui Soundgarden aussi. Voilà tout ça donc pour un concert, une tournée en fait qui célébrait donc les 50 ans de célèbre album Kick Out the Jam. C'est ça, c'est sur le CD bonus de l'album Heavy Lifting qui est sorti donc cette année, album posthume. Et ce live bonus s'appelle MC50 by MC5. C'était Poison. Juste avant, bah, vous aurez reconnu évidemment le classique No Class de Motorhead, extrait donc du coffret The Collection Lost Steps volume 1 à 5 et enregistré à Heilbronn en décembre 84. Et ça, c'était en hommage à Lemmy qui nous a quittés en fin d'année 2015. La suite, c'est une nouveauté, la troisième de la soirée. On va découvrir, je pense que ça va plaire, à l'ami Chris de Prisma. Un groupe de la région parisienne qui existe depuis 2019, qui s'appelle Wire Hedge, qui a déjà sorti un premier album. Alors, c'est un mélange de progressif, de rock, de plein de choses. Il y a des passages un peu jazzy par moment. Moi, par moment, ça m'a fait penser aussi à certains passages de Symphonics, voire de Dream Theater. La seule chose qui m'a un petit peu gêné, c'est que pour ce style musical, j'ai trouvé que le chant manquait un petit peu de personnalité. Non pas que la voix est désagréable, loin de là, mais enfin voilà. Bon, enfin bon, les goûts, les couleurs, hein, voilà. Donc, ce EP qui s'appelle Salt of the Earth, il y a donc 4 morceaux, dont par exemple ce fameux Tower qu'on va découvrir maintenant. We'll be right back. Haunting Dream, ça c'était un titre du nouvel opus de Tetsuji Mirage. Juste avant donc la troisième nouveauté de la soirée, Wire Edge et son album Salt of the Earth, face au EP et le morceau Tower. Eh bien, il est 20h11 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et Electric Shock, donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'est vrai que le temps passe très très vite quand on a de la bonne musique et qu'on est en bonne compagnie. Et ben maintenant, on va revenir, tiens, à un de mes héros, Phil Mogg de UFO, qui nous est revenu avec son premier projet solo, Mogg's Motel, qui officie un petit peu dans la ligne de son groupe d'avant, mais en beaucoup plus bluesy, comme par exemple sur ce Sunny Side of Heaven qu'on va se mettre maintenant, vous allez pouvoir constater. I'm psychopaths. Not like in New York, it's high rise, it's concrete and complex. Not like an old London town, it rains down on its subjects. Nobody give a damn when you're down on your luck. Nobody understands when you're down on your luck. Lady Chance, she won't dare when you're down on your le futur avec le légendaire Thin Lizzy, extrait de son album Renegade, sorti en 1981. C'était le morceau Hollywood Down on Your Luck, et ça c'était en hommage au regretté Phil Lynott, le légendaire bassiste chanteur qui nous a quitté le 4 janvier 1986, déjà bientôt. Il y a déjà un peu plus donc de 39 ans, et la musique de Thin Lizzy, je trouve qu'elle n'a jamais aussi sonné aussi actuelle, comme quoi les grands groupes ne meurent jamais. Juste avant, vétéran aussi de la scène rock, Phil Mogg et son nouveau projet Mogg's Motel, c'était Sunny Side of Heaven. Et bien maintenant, mettons-nous quelque chose d'un petit peu plus méchant avec le groupe de post-metal Altarossa, que je vous ai déjà présenté il y a déjà quelques semaines. Et un petit extrait de A Defiant Cure avec le morceau The Art of Tyron / The Minotaur, tout un programme et une petite intro qui s'intitule Dédale. Just Altarossa. Le groupe Altarossa et son nouvel, deuxième album, son nouvel album A Divine Cure, c'était donc le morceau de Heart of Tyrant / Minotaur et sa petite intro Dédale. Et maintenant, il est déjà 20h30, ça veut dire qu'on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et bien, on va se faire donc la quatrième nouveauté pour commencer cette dernière demi-heure. Et Electric Shock, je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et là, je vais vous emmener faire un petit tour en Belgique, découvrir un groupe qui s'appelle Besmin, donc tout un programme. Alors, la pochette très romantique nous montre sur fond vert un diable habillé en costume, très smart, en train de faire un Besmin très délicat. Alors, c'est un groupe donc qui existe, groupe de rock tout simplement, qui existe depuis 2019. Ils sont de Bruxelles. Et là, c'est leur deuxième album qui s'appelle Assembly Line. Alors, si vous aimez le rock classique, péchu quand même, pas loin du hard rock, ça c'est le genre de groupe qui devrait vous plaire. Extrait de cet album sorti en fin d'année dernière, donc le morceau Down. Please believe me when I say I'm not down. Look at me, fall asleep when I say I'm not down. Down, down, down, down, and I'm not. vraiment sympa le dernier EP de Vis-à-vis, The Art of Collapse. Le dealer, ce qu'on vient de se passer, le prouve, n'est-ce pas? Juste avant, c'était donc la quatrième nouveauté de la soirée, venue de Belgique, le groupe Besma, avec Assembly Line, c'est le titre du deuxième album, et c'était le morceau Down qu'on s'est écouté. On va aller maintenant du côté de la perfide Albion, et on va se remettre un extrait du premier album de The Silent Tira, White, Deep and Cold, avec le morceau On the Run, et la petite intro qui a donné son titre à l'album, donc changement d'ambiance. groupe à suivre, à mon avis. Donc, les Anglais de The Silent Era avec On The Run et la petite intro Wipe and Deep and Cold, qui d'ailleurs a donné son nom à leur album. Je vous avais promis 5 nouveautés ce soir, bah oui, pour la première de l'année, bah voici donc la 5e. Avec le groupe D-Lane. Alors D-Lane, je dois avouer que j'avais un petit peu laissé tomber l'affaire au départ de la chanteuse d'origine Charlotte Wessel, parce que je trouvais que vraiment c'était elle qui apportait quand même beaucoup de choses au groupe de par sa personnalité, de par sa façon d'écrire et sa voix. Et puis elle était là depuis les débuts, et du coup quand Martin Westerholt a fait le ménage dans le groupe, enfin il faut dire que la stabilité dans le groupe c'était pas vraiment leur principale qualité, mais bon, on peut dire que Martin Westerholt et Charlotte Wessel faisaient un duo quand même assez indissociable. Il a préféré faire cavalier seul et sa coquinée de nouveaux musiciens et d'une nouvelle chanteuse qui, je trouve, même si elle n'est pas mauvaise, loin de là, bien au contraire, mais bon, elle n'a pas du tout le même charisme que sa prédécessrice. Enfin bon, à voir. Toujours est-il qu'après un album Dark Waters qui était sorti en 2023 que j'avais laissé complètement de côté, là, ils nous reviennent avec un EP quand même qui fait quand même une heure, ou un peu fourre-tout, qui contient donc un titre inédit, des réenregistrements aussi, y compris de morceaux de l'époque de Charlotte Wessel, des versions alternatives et du live. Donc ce EP qui est sorti mi-novembre s'appelle Dance with the Devil, et on va se faire donc le morceau inédit Dance with the Devil. Petit tour en Belgique avec le EP de Vision Master of Laws. Bah, c'était le morceau qui avait donc donné son titre au EP. De la Belgique il y a, à la Hollande, il n'y a qu'un pas qu'on vient de franchir avec D-Lane. Et son EP également, Dance with the Devil, un petit fourre-tout avec titre inédit, réenregistrement et titre live. Voilà, et c'était donc la dernière nouveauté de la soirée, la cinquième. Et bien maintenant, on va revenir au premier album des Stubborn Trees, Stronger the Wind. Et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Try Again. Yeah. Don't Come Knocking, extrait de The Last Chase, de dernier album de Tarahou. Juste avant, c'était donc Stubborn Trees et extrait de Zone Stronger the Wind, Try Again. Eh bien, oui, je sais, normalement, il devrait être temps de passer l'antenne à Christophe et Electro Live. Mais bon, vous voyez, les inconvénients du direct, il y a quelques soucis techniques. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas là pour carotter le temps de Christophe. On va laisser un petit peu de temps pour se préparer. En attendant, Electric Shock va continuer encore un petit peu. Et pour ça, on va revenir au live de Nickelback, Live from Nashville. Et on va s'envoyer deux petits brûlots qui, j'espère, lui laisseront le temps de se préparer et de vous proposer un beau show comme il en a l'habitude. C'est les inconvénients du direct. En attendant, Gotta Be Somebody, Nickelback. Starting to show up. Burn It to the Ground de Nickelback, extrait du Live from Nashville. Et bien voilà, c'est le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Non, non, rassurez-vous, Electro Live est maintenant, je pense que les soucis techniques de Christophe sont résolus. Et ben, moi, je vous dis merci d'avoir suivi une fois de plus Magazine Metal. Bonjour Christophe, bonsoir Christophe. Bonsoir. Mes meilleurs voeux ainsi qu'à tous les auditeurs d'Electro Live. Voilà, bonne année à tous, bonne santé. Donc visiblement, tes petits problèmes techniques, ça y est, sont résolus. Ouais, ça y est. Et ben voilà. Plus de peur que de mal. On a démarré un peu en retard, mais bon. Voilà, mais bon. Mixer une platine. Et c'est les inconvénients du direct. Voilà. Donc voilà. Donc ce soir, une session. On va commencer avec un truc plutôt dance, house dance, 5-6 titres, et puis on va partir vers de la house plutôt tribal. Bon, les jeunes appelleraient ça plutôt afro, mais bon, dans le temps, on appelait ça plutôt tribal, nous. Et puis avec ce soir, pour débuter l'année, un live sur Twitch. Donc si vous voulez me voir en live depuis le studio de la radio, vous tapez mon nom de DJ sur Twitch. Et voilà. Ben voilà. Donc voilà, pour toutes les auditrices féminines, comme ça, profitez-en. Un beau gosse qui vous fait de l'électro en plus, voilà. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ça y est, Electrolyze, c'est tout de suite, maintenant, enfin, ça y est.